Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès Sifou édition Anglo. Bonjour les palmiers et bienvenue au Palmarès C'est fou édition anglo pour la semaine du 7 au 13 avril 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et on va encore une fois passer un bon bout de temps à écouter le top 20 des pièces les plus aimées, les plus appréciées par les animateurs de C'est fou. On a, avant de dire qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle entrée, hein, parlons un petit peu du numéro 1 de la semaine passée. C'était Flight of the Conchords avec Too Many Dicks on the Dance Floor, leur album I Told You I Was Freaky. On va savoir si ça tient d'ici la fin. Mais comme je disais, on a des nouvelles entrées, il y en a deux. On va entendre Camaromance tout à l'heure avec la pièce Out of Luck, mais on débute avec Colorado. C'est la deuxième pièce de leur album Record in a Bag. Voici Riverside au 89 FM. C'est fou! Will it be enough? La formation Camaromance et Out of Luck, nouvelle entrée en 19e place, elle vient de leur album The Parade, et je regardais ça comme ça, la Camaromance, petite formation montréalaise, adorable. Ils vont être en spectacle au Radioton de CKRL, au Cercle avec Jamil et Rodeo Mécanique, ça se passe le 17 avril à 22h. Avant ça, on a entendu Colorado en 20e place, c'est aussi nouveau, et c'est la deuxième pièce, le deuxième extrait de leur album Record in a Bag, qui est disponible en ce moment, que ce soit en magasin ou sur iTunes, ou encore iTunes. Colorado, qui est une formation qui va être en spectacle, oui, à Montréal, donc juste à côté, le 10 avril, dans 3 jours, au Green Room avec Titus Andronicus, et c'est pour tous, 10 avril, que ça donne à être samedi. Voilà, samedi. Vous êtes toujours dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. On a terminé les nouvelles entrées, donc le reste des positions ne font que bouger. Elles dansent, c'est comme la chaise musicale, tout ça, cette histoire-là. On va entendre The Almost et Charlotte Gainsbourg dans quelques minutes, mais on commence avec la 18e place. Ça descend de 7. Voici Galactic et Boom Money au 89.1 FM. C'est fou ou ça? Ben, dans vos oreilles, voyons. Mm-hmm. Get here, you gotta get here. Charlotte Gainsbourg et R.R.M. descendent d'une place en 17e position. Avant ça, c'était The Almost avec Monster Monster. Et on a entendu aussi Galactic avec Beau Money qui descend de 7 places. Donc, un beau petit bloc de changement de paysage pour ces groupes-là. Pourquoi pas? Hein? Bon. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès C'est fou. On se rend jusqu'au numéro 1 qui, la semaine passée, était Flight of the Conchords avec Too Many Dicks on the Dance Floor. Ah, que j'ai hâte de savoir si c'est encore ça qui est au sommet des dicks sur le dance floor. C'est toujours bien gagnant, ça. On va l'entendre du OK Go dans quelques minutes avec WTF qui descend de la 3e place. Mais avant, ça descend de la 4e. Voici Camelo the Magician par Seth the Whale au 89.1 FM. Oh que c'est donc fou toi là! Sky. Oh, que j'adore cet album de OK Go, Of the Blue Color of the Sky. La pièce s'appelle WTF. Malheureusement, ça descend de la troisième place, mais ça fait quand même 7 semaines que c'est là. Donc, à un moment donné, c'est normal que les choses redescendent. Tout ce qui monte doit redescendre. C'est comme ça. C'est comme le slogan. C'est une citation. Comment t'appelles ça? Une phrase célèbre, je pense. On s'en sac. OK Go, c'était Set the Whale avec Camelo the Magician. Ça descend de la position numéro 4 et c'est sur leur CD Islands Disappear. Moi, c'est plastique, petit trou dedans, vous connaissez ça. Bon. Prochain bloc, on va entendre Plants and Animals avec une nouvelle pièce de la semaine passée de Mama Papa. C'est sur leur album La La Land, qui n'est même pas encore sorti, mais c'est déjà dans le palmarès. C'est génial, on adore ça. Avant Plants and Animals, par contre, tout de suite, voici Danko Jones. Ça monte de 7 places, c'était nouveau, ça aussi la semaine passée. Voici I Wanna Break Up With You au 89.1 FM. C'est fou! Au retour, Plants and Animals, The Job, Zeus et Tegan and Sarah dans les palmarès et fous édition anglo au 89 FM. Numéro 12. Plants and Animals avec The Mama Papa. Ça monte de 7 places, c'est en 12e position anglophone. The Mama Papa. The Mama Papa Papa. Ouais. Postillonne un peu là-dessus. Hein. C'est leur album La La Land. Avant, c'était Danko Jones avec I Wanna Break Up With You. Ça monte de 7 places. Les deux, Plants and Animals et Danko Jones, étaient des nouvelles entrées la semaine passée. Donc, ça a monté un peu. Et ça, un little bit. Ça décale, amigo. Hein? Bon. Elle, c'est dans l'édition anglophone. Ouais, pas espagnol, des parleurs assez fous. Une chance, hein? Avec Mathieu Plante. On monte jusqu'au numéro 1, vous le savez. Flight of the Conchords, qui était au numéro 1 la semaine passée avec Too Many Dicks on the Dance Floor. Est-ce que ça colle? Est-ce que leurs pieds collent sur le plancher tel vos pieds dans une salle de cinéma? On va savoir ça tantôt. Pour l'instant, prochain bloc de Job et Zeus, plus tard. Mais pour l'instant, voici Tegan and Sarah. Ça monte de deux places et c'est Alligator au 89.fm. Oh, c'est sensible. C'est vrai. The Job et Problem, position numéro 10, stable. C'était presté de Tegan and Sarah avec Alligator qui monte de deux places. Les deux sont là depuis 6 semaines. Oui, ça oscille dans le palmarès, c'est vrai. Les choses avancent vite. On a dépassé la moitié de notre palmarès, donc on entre bien plus dans le top 10 qu'avant. On a déjà joué à la position numéro 10. À chaque fois que je veux dire qu'on a dépassé la moitié, c'est comme une coche de trop en haut. Tout à l'heure, on va avoir la 8e position. You Say Party, We Say Die. Est-ce qu'on va l'entendre? Pas sûr. Avec Laura Palmer's Prom, on débute avec la 9e stable. Voici Zoo, c'est Fever of the Time au 89 FM. C'est fou. We'll be right back. Ah oui, habitue-toi. C'était Airborne avec No Way But The Hard Way. Ça monte de la 12e place, c'est en 7e. C'est sur leur album No Guts, No Glory. Avant ça, on a sauté par-dessus You Say Party, We Say Die. Et on n'a pas entendu bien souvent cette pièce-là. Hein? Je commence à me demander si elle existe vraiment. Ça s'appelle Laura Palmer's Prom. Ça monte de 6 places. Et on a débuté avec Zeus et Fever of the Time. C'est stable en 9e. C'est sur leur album CAS. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. Et je vous, je dirais pas promets. Je vous suggère dit. Peut-être qu'un jour, on va entendre Laura Palmer's Prom. Je vais me débrouiller pour la trouver. Mais pour l'instant, on va continuer. On est rendu aux positions 6 et 7. On va entendre Hunter Valentine. On va entendre. On est rendu aux positions 5 et 6. Reculons un peu. On va couper son montage. Hein? On va entendre Los Campesinos tantôt en 5e. Mais on commence par la 6e. Ça monte de 2. Voici Hunter Valentine et The Stalker. Assez fou dans vos oreilles. Retour, Los Campesinos, et oui, You Say Party, We Say Die. Numéro 5. Father's Day. fucking on. It's so fucking fun. It's got you back, whatever that's worth. If your hero told you to go off the shelf, you what would you do? I do not know. Every girl I ever kissed, I was thinking of a proper father. So you should know. Los Capucinos, c'est We've Got Your Back. Ça monte de deux places, c'est en cinquième position anglophone. Avant, c'était Hunter Valentine avec The Stalker qui monte de deux places aussi. Si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt dans l'émission, on avait sauté par-dessus une pièce. Hein, c'était celle de You Say Party, We Say Die en position numéro 8 avec Laura Palmer's Prom. Et je l'ai trouvé, donc la voici. Fin pareil, hein? C'est fin, c'est comme un hasard, t'attends, je suis tombé dessus. J'étais comme, waouh, cool, hein? Pas comme si j'avais eu à la chercher, là. needs a love dance. My heart needs a love dance. My heart, my heart. My heart needs a love dance. My You say party, we say die. Laura Palmer's Prom, pièce qu'on avait sauté un petit peu plus tôt dans l'émission. C'est la position numéro 8, ça, de leur album XXXX. On continue, on revient dans l'ordre, dans le bon ordre des choses. Un ordre. On va entendre Flight of the Conchords tantôt, l'ancien numéro 1, mais pour l'instant, voici Hot Chip et Alley Cats au 89.1 FM. Ça monte de la 18e. Ça faisait quoi, c'est 14, je pense? 14. C'est une voix qui me passait, wow. Ça m'impressionne. Cœur, hein? Two people are alley cats. We have an unhappy cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Well, we wear each other's heads like hats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie alone. Wear each other's heads like hats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps and we die alone. Sleep inside a blanket in bed, planted like the crocuses. In the song my mother said she wanted us to sing. We sleep inside a blanket in bed, planted like the crocuses. And I wish my mother could see the ring I got. There is a pain.

described it. When she comes around, I almost lose my mind, but I try to hide it. Final freestyle, je laisse aller ces petites finales toutes cute. On vient d'entendre The Pine Cones et Sage, c'est stable en deuxième. The Pine Cones et Sage, au cas où j'aurais pas assez articulé chacune des syllabes. Avant, c'était Flight of the Conchords avec Too Many Dicks on the Dance Floor. C'est l'ancien numéro 1, ça descend de deux places. Et je l'ai dit vite, tellement je les aime. Ouais, ben finalement, c'est ça. C'est le moment des jeux de mots. Vous le savez, c'est le numéro 1 qui s'en vient. Juste là, on est rendu là. C'est comme le suspense. T'sais, c'est là qu'on arrête de mettre un fond parce que c'est tellement, tu sais, c'est important. Faut arrêter, c'est comme un moment dans la semaine où on se concentre et on écoute la position numéro 1, celle qui est la plus aimée et la plus appréciée des animateurs de C'est Fou. Et puis on fait le petit jeu de mots poche pour aller avec, ça accompagne bien, c'est comme les atokas. Les atokas à côté de la dinde, hein? Mais ça ne tente pas du tout de faire des jeux de mots aujourd'hui. Parce que je trouve que le monde est cave. Le monde est cave. Bon, faut le dire, à un moment donné, vos deux livres d'enfants, une fois de temps en temps, le monde est cave, hein? Ça me rend fou, des fois. Comme dans mon cœur de pierre. Hein? Et cela étant dit, j'ai réussi à faire mes deux jeux de mots. C'est comme une mise en compte. J'ai réussi. J'expliquerai ça après, par exemple. Et en première position. C'est Fou aimerait vous dire que les pensées de Mathieu Plante ne représentent pas ce que C'est Fou pense vraiment non plus. Hein? Les... Non. Mal dit, hein? tenait la position numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou, mais avant de dire le numéro 1, on fait un petit résumé du top 5, comme toujours. En 5e position, c'est Los Campesinos avec We've Got Your Back. En 4e, Hot Chip avec Alley Cats. En 3e, c'est l'ancien numéro 1, Flight of the Conchords et Too Many Dicks on the Dance Floor. En 2e, c'est Stable, The Pinecones et Sage. Et on vient d'entendre la première position, ça monte de 5. Et c'est la formation locale, ou de la région, Mad Caps avec Stone. D'où mes jeux de mots proches, là. Mad Fou, puis Stone, Cœur de Pierre. Oh, wow, original, Mathieu Plante. Bravo. Hein. Sur leur album Juice, tout récent, tout frais, c'est fraîchement pressé comme du jus de quelque chose, un fruit quelconque, là. Peu importe. Ah, voilà pour l'édition anglophone. Les auditeurs du vendredi vont nous quitter pour aller rejoindre l'édition francophone dans quelques minutes. Quelques minutes à peine, ça va être juste après la pause. Nous, en direct, les mercredis et les jeudis aussi, entre 13h et 15h, anglophone le mercredi, francophone le jeudi. Il nous reste une demi-heure, on va plonger un petit peu dans le top 30 des CD. Top 10 électronique, top 10 loud, top 3 disques canadiens, un petit peu n'importe comment. Il va sûrement y avoir plus de top électronique aujourd'hui parce qu'on est mercredi, c'est ce qu'on fait, donc ça s'en vient dans quelques minutes. Donc voilà, on se retrouve après la pause. Que vous soyez le vendredi ou le mercredi ou en balado-diffusion ou live sur Internet sur le stream ou dans votre chambre en train d'écouter votre iPod, peu importe, on s'en sacrède! Vous êtes assez fou, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Hey, vous êtes toujours sur les ondes de C'est fou 89.1 FM et là c'est la portion extra sauce brune des palmarès C'est fou qui débute là, drette là. C'est là que ça veut dire ça, cette musique-là, qui est le genre de petit... Ça commence bien, je trouve, une genre de dernière demi-heure. Hein? Bon. Donc, embarquons dans le vif du sujet. Vous le savez, les palmarès C'est fou, c'est pas seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, c'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. On va commencer par le top 10 électronique, comme on aime le faire le mercredi. On a plusieurs nouvelles entrées dans ce beau petit top 10 électronique-là, compilé par l'émission Le Vestibule, samedi soir 21h. Clin d'œil, clin d'œil. Il y a Goldfrapp en 9e, oh, avec un nouvel album. Mais Colin, mais qu'est-ce que j'en crois pas mes yeux? J'ai hâte d'entendre ça. Pour vrai, j'adore Goldfrapp. L'album s'appelle Head First. En 4e position, on trouve Architect avec Consume, Adapt, Create. Et le top 3, ben, y a deux nouvelles entrées et on va les entendre. C'est avec ça qu'on va commencer cette belle demi-heure. Portion extra sauce brune etc. Poivre additionnel gratuitement. Hein. Des fois, ils te chargent pour les petits extras, mais le poivre, d'habitude, ils ne chargent pas grand-chose pour ça. Bref, 3e position. Hein? Où est-ce que je vais aller avec ça? Je ne sais pas. L'artiste de la 3e position, c'est Fantogram. L'album s'appelle Eyelid Movie. Et on va tout de suite aller entendre la pièce Turn It Off! Mais éteignez pas votre radio, là. Faut pas suivre ça à la lettre des instructions de même. Turn it off, franchement. Faites une pièce Turn it off, puis à jouer à radio, voyons, là. Hey. Thank you. La pièce Cypher d'Akido, le projet du Montréalais Kim Gabouré, s'est tiré de la réédition de son deuxième album Blink, originellement prévu en paru en 2007. C'est en deuxième position du palmarès électronique. Avant ça, on a entendu la pièce Turn It Off du duo américain Phantogram, tiré de l'album Eyelid Movies. Et ça, c'est la troisième position du palmarès électronique. On va entendre la première position de ce palmarès dans quelques secondes à peine. Ça va être la pièce Touch of Evil du collectif norvégien Jaga Jazzist. C'est sur leur album One Armed Bandit. Et ça commence à l'instant au 89.fm. Vous écoutez les palmarès, c'est fou. Portion extra sauce brune. La position numéro 1 du palmarès électronique de C'est fou, c'est Touch of Evil du collectif norvégien Jagga Jazzist. C'est sur leur album One Armed Bandit et c'est l'album qui est en première position, bien évidemment. Avant ça, on a entendu Akido et puis Fatogram au début. Donc ça, c'est le top 3 pas mal du top 10 électronique. Les deux dernières, Fatogram et Akido, sont des nouvelles entrées, alors que Jagga Jazzist monte de deux places. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez entendre le palmarès électronique au complet dans l'émission Le Vestibule. C'est samedi soir à partir de 21h. Moi, je vous le conseille bien. Vestibule, samedi 21h, ici même sur les ondes de C'est fou avec Jean-François Fecteau. On jouera pas de Top 10 Loud comme on fait pas mal toujours. Dans le fond, on n'en joue plus bien du Top 10 Loud, mais c'est pas mal intense. C'est ça, on saute par dessus. Mais on en parle quand même. Position numéro 10, nouvelle entrée, Omega Chrome avec Blood, Steel and Fire. En 9e, Rusted Dawn avec The Black Tides of War. Et l'autre nouvelle entrée est dans le top 3. Hein, et, on dit top 3, donc ça va bien ensemble. Bison BC avec Dark Ages. Position numéro 2, ça monte de 5 places, Aeternum avec Disciples. Peu importe. Of the Unseen. Et en première position, c'est stable, Fintroll avec Niflvind. Ah, que les prononciations sont n'importe comment là-dedans, mais bon, je connais pas ça, ces affaires-là, moi. Hein? Top 3 des disques canadiens, tiens, stable au complet. Troisième position, c'est Madcaps avec Juice. En deuxième, The Pine Cones avec Sage. Et en première, c'est Set the Whale avec Islands Disappear. On va visiter un petit peu le top 30 des CD pour terminer cette émission des palmarès assez fous. On va l'entendre, la nouvelle entrée, il y en a seulement qu'une, elle est en 19e place et on l'a même entendu tout à l'heure au début du top 20 anglophone, c'était même en position numéro 19. On avait entendu Camera Romance avec Out of Luck. Leur album s'appelle The Parade, on va entendre un autre extrait, voici The Great Divide tout de suite au 89.fm. C'est fou dans vos oreilles. I can't read. La formation Camaromance avec la pièce The Great Divide de leur album The Parade dans les palmarès, c'est fou. Et ça, ben, c'est dans le top 30. Camaromance, ça vient de faire son entrée en 19e position, l'album The Parade. Très, très bon, Camaromance. C'est pas mal la fin de cette édition des palmarès, c'est fou. On va se retrouver juste après la pause avec Assemblage Rocky. Kwan va être là, je vais être là. On va juste continuer d'être ensemble, t'sais? Mais avec un autre nom d'émission. Hein? Puis un autre nom d'auditeur, hein? C'est vrai. On cherche encore vos suggestions. On est sur Facebook, allez sur la page d'Assemblage Requis et envoyez-nous vos belles suggestions. À un moment donné, on va se décider. Il y a un verdict qui va être rendu, un vote qui va être fait. Puis là, ça va être bien extraordinaire. Mais pour l'instant, vous, les auditeurs des palmarès, c'est fou, vous êtes toujours les palmiers. Donc, ça, c'est quand même décidé. Là. À un moment donné, on ne reviendra pas en arrière. Là. L'évolution, ça va par en avant, pas par en arrière. Hein? OK, moi. Aussitôt que tu vas reconnaître le poids démocratique là, de tous ces gens qui préfèrent mon choix, ben. Ton choix qui est Francis Martin, hein? Oui, c'est ça, les Francis Martin pour les auditeurs d'Assemblage Requin, mais je suis ouvert à toutes les autres suggestions. Là. Moi, c'est les requins, les Assemblages Requins, c'est ça ma suggestion. Là. Mais à date, Émilie Gauthier, qui est chroniqueuse à l'émission, a déjà voté pour les Francis Martin. Oui, c'est ça. Mais allez sur la page Facebook de l'émission, vous pouvez laisser vos suggestions. Et votez. Si vous avez même pas de suggestions, juste écrivez Francis Martin ou Requin. Kimon va envoyer ses amis faire ça, j'en suis sûr. Il faut que j'envoie les miens aussi. Mais on va faire des invitations sur Facebook, ça se fait. C'est des events. Faut bien. Faites par gagner ça. Moi. Bon. C'est pas un concours, là, Caroline. Ben presque. Alors, on va se quitter sur deux dernières pièces du top 30 des CD. Pourquoi donc pas? On va entendre un petit peu de Colorado. Eux qui viennent de faire un retour en passant dans le top 20 avec leur pièce Riverside. On va se quitter avec la pièce Fake Drugs. Colorado, je cherche leur position dans le top 30. Est-ce qu'ils sont encore dans le top 30? Est-ce qu'ils le sont encore? Oui, position numéro 20. Voilà. Mais avant ça, on va entendre un extrait du palmarès de demain, hein, côté francophone, qui va avoir lieu entre 13h et 15h. Il y a une nouvelle entrée de Michelot en 20e place sur la compilation 14e édition des Francouvertes. Donc, on va se avec sa pièce ou leur pièce. Est-ce que c'est un groupe ou une personne, Michelot? Ben, c'est une personne. Mais peut-être que c'est peut-être aussi le nom du groupe qui joue avec elle. Je sais pas, des fois ça porte à confusion. C'est comme fait. Patrick Watson ou je sais pas. Et dans ce temps-là, tu dis quoi? Tu dis le projet? Bon, on va appeler Mickey. Ou tu fais tes recherches? Ouais. Finalement, c'est un peu ça que ça veut dire. La pièce s'appelle Assise dans ma tête. C'est avec ça qu'on se quitte et on se retrouve après la pause à Assemblage Requis. Bye bye. Go. dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. Yourself that stereo down town. You're shopping like an animal. My, my, you gone and got yourself so high. Like new roommates, at first it's so agreeable. Fake drugs creep up like the sunrise. Time drags under gray and purple skies. Turn tricks, get yourself a